croiser ce piéton, j'éteins mes feux, réponse A. Je passe en feu de position, réponse B. Je reste en feu de croisement, réponse C.